Un verre de vin rouge par jour, c'est l'assurance d'éviter les maladies cardiovasculaires ou au contraire, d'augmenter ses chances de cancer. Le café protège contre les cirrhoses du foie et le diabète ou accroît les risques de cancer du poumon. Et la viande rouge, cancérigène à la première, seconde, troisième bouchée ou pas du tout. Sans parler des compléments alimentaires, des régimes sans glucose, paléolithiques, crudivores, difficile de s'y retrouver dans les sciences nutritionnelles tant elles peuvent parfois donner l'impression de justifier tout et l'inverse. Alors pourquoi est-il si difficile de mesurer ce qu'il y a dans nos assiettes? Science nutritionnelle, quelle est la recette? C'est le programme gourmand qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire la lumière sur les arcanes de ces sciences nutritionnelles et de leurs méthodes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mélanie Deschazeaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche dans l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle RN, rattachée à l'INSERM, à l'INRA, au CNAM et à l'Université Paris 13. Et Daniel Thomé, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à Agro Paris Tech, ex-directeur de l'unité physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire de l'INRA et Agro Paris Tech. Mais avant d'ouvrir le menu du jour, on jette un œil au menu de l'actualité scientifique. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on a une grosse voix Natacha Trier aujourd'hui. La pauvre. C'est Allez, Antoine voilà. Beauchamp qui la remplace et on envoie tous nos voeux de convalescence à Natacha Trier, c'est le journal des sciences. Et pour commencer ce journal, Antoine, on en sait plus sur Damas, Le Caire, Bagdad et Alexandrie, mais ça n'est pas de ville dont il est question. Non, en effet, il s'agit du nom donné aux quatre mystérieuses rayures dites de tigres présentes au pôle sud d'Encelade, la célèbre lune glacée de Saturne. Ces fissures expulsent un panache de gaz et de poussière jusqu'à 400 km au-dessus de la surface d'Encelade. Elles ont été observées pour la première fois en 2005 par la mission Cassini-Huygens, mais on ignore toujours la cause de leur formation. Une prépublication parue sur le site Archive, menée par Douglas Hemingway de la Carnegie Institution for Science à Washington, propose pour la première fois une théorie qui donnerait des explications plausibles à la création et à l'activité débordante de ces fissures à la surface du satellite. Athéna Koustenis est directrice de recherche CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA, à l'Observatoire de Paris, et elle a participé à la mission Cassini-Huygens. Il a fallu trouver un modèle assez élégant, qui est proposé donc par Hemingway et son équipe, qui consiste à dire, voilà, vous avez de l'eau liquide sous Encelade, à l'intérieur. On sait que cet océan, il est probablement moins profond au niveau des pôles, mais cette eau liquide, à cause du fait que le satellite se refroidit petit à petit, la glace qui se trouve sous la croûte de glace, qui est bien entendu la surface d'Encelade, s'épaissit petit à petit. Cet épaississement provoque une couche de glace supplémentaire en dessous de la surface d'Encelade. Et à ce moment-là, nous avons un effet d'effort de traction qui provoque la première fissure à l'endroit où la glace est la plus fine, c'est-à-dire ça peut être le pôle sud ou le pôle nord. D'ailleurs, une fois qu'on a eu cet effet à l'un des deux pôles, l'autre pôle ne rentre pas en jeu car les contraintes de traction sont satisfaites par l'ouverture au pôle sud d'une fissure. Mais l'activité se poursuit au pôle sud, à côté de la première fracture, parce que l'eau en éruption se dépose à côté, de part et d'autre, de cette première fracture, provoquant une dépression, une flexion. Ça constitue une pression supplémentaire qui conduit à d'autres fissures qui sont parallèles et espacées de la même longueur, 35 km. C'est ça qui est important de retenir dans ce modèle, c'est qu'il explique aussi bien le fait qu'on a cette première fissure, mais qu'on a aussi les rayures de tigres qui sont parallèles et qui sont espacées de 35 km. C'est une séquence en cascade qui conduit à la formation géologique qu'on voit aujourd'hui. Et on passe au bref. Les femmes chimistes ont moins de chances d'être publiées dans des revues spécialisées à comité de lecture que leurs collègues masculins. Une analyse de plus de 700 000 études proposées pour publication à la Royal Society of Chemistry révèle ce fossé des genres. La société savante britannique a passé au crible tous les noms d'auteurs qui ont soumis des papiers entre janvier 2014 et juillet 2018. Résultat, 36% des auteurs étaient des femmes, mais seulement 23% des papiers acceptés étaient rédigés par des femmes. Le rapport soulève un problème supplémentaire. Les articles rédigés par des femmes sont moins cités en moyenne que ceux écrits par des hommes. Des polymères pourraient permettre de combattre la malnutrition. C'est ce que laisse espérer des travaux de recherche d'une équipe du MIT qui a mis au point un polymère biocompatible dont le revêtement empêche la dégradation de 11 nutriments, dont la vitamine A ou le fer, lors de la cuisson ou du stockage des aliments. Les chercheurs ont par ailleurs prouvé l'innocuité pour l'organisme de ce polymère baptisé BMC, un polymère qui pourrait permettre d'encapsuler jusqu'à 4 micronutriments à la fois. On rappelle que chaque année, ce sont 2 millions d'enfants qui meurent à cause de carences en vitamines et en minéraux, des carences qui provoquent pour un très grand nombre d'autres personnes la perte de la vue, des maladies invalidantes ou encore des malformations à la naissance. Un nano-espoir donc pour enrayer cette mécanique. On a retrouvé le plus ancien dinosaure carnivore au Brésil. Il répond au doux nom de Gnatovorax cabrairai, une espèce du genre Herrerasaurus, âgée de 233 millions d'années, qui a été découverte à Rio Grande, au sud du Brésil. Grâce au squelette presque complet et en très bon état qui a été découvert, notamment grâce aux dents recourbées et aux griffes acérées comme des lames, les chercheurs brésiliens auteurs de la découverte ont pu établir qu'il s'agissait d'un prédateur hors pair, et ce, à une époque où très peu de grands carnassiers existaient. Côté mensuration, 3 mètres de longueur et un peu moins d'une tonne d'affection pure. Une boule d'amour. Enfin, ultimatulé, le plus lointain objet survolé par l'humanité, dans la ceinture de Kuiper vient d'être rebaptisé. Ne l'appelez plus ultimatulé, mais Arrokoth. L'astéroïde 2014 MU69 a été survolé par la sonde New Horizons le 1er janvier 2019 et baptisé par la NASA ultimatulé, en référence au nom antique donné par l'explorateur grec Pythéas à la dernière île de l'archipel britannique. Problème, les nazis s'étaient également emparés de ce nom pour désigner dans leur propagande le lieu d'origine des Aryens. Arrokoth, le nouveau nom d'ultimatulé, signifie « ciel » dans la langue de la tribu amérindienne Powhatan. Merci Antoine, on vous retrouve demain pour le journal des sciences et le journal de la SF. Et puis comme d'habitude, vous pouvez retrouver les liens vers toutes les études qui ont été citées et ainsi que celles dont il va être question au cours de cette heure sur la page de l'émission sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter, le fil de la méthode scientifique, @lamethodefc. Le 1er octobre dernier, une étude publiée dans The Annals of Internal Medicine démontait point par point un fait qui paraissait pourtant établi solidement depuis plusieurs années, à savoir que la consommation excessive de viande rouge ou transformée augmente le risque de développer des pathologies comme certains cancers ou des troubles cardiovasculaires. C'est un nouvel exemple des contradictions que peuvent produire parfois les sciences nutritionnelles, des sciences qui se fondent sur une méthode expérimentale complexe dans des contextes fortement multifactoriels et qui sont rapidement relayées par des médias avide d'infos santé et parfois assez peu scrupuleux de la solidité des preuves fournies par certaines études. Par ailleurs, les progrès de la science ont fait rapidement évoluer notre compréhension des apports nutritionnels et des risques associés, comme en témoigne cette archive. Nous sommes en mars 1950, écoutez les conseils du docteur Guy de Birmingham, il est médecin du Air Force British Hospital et de l'hôpital Necker. Nous sommes sur la radiodiffusion française. Je ne sais plus quel ancien a dit « modicus sibi, medicus sibi ». En mangeant modérément, on devient son propre médecin. Est-ce vrai, docteur ? Sans doute. Mais il importe aussi de faire un choix judicieux. Voyez les chiens et les chats. C'est carnivore. Ne leur arrive-t-il pas parfois de brouter de l'herbe ? Mais puisque vous voulez une leçon de bien manger, je vais vous la donner sous forme de maxime. Un plat que l'on aime se digère mieux que ce que l'on mange à contre-cœur. Mangez lentement et mâchez bien. Parce que la digestion commence dans la bouche avec la salive. Il y a autant de nourriture que de climat. À Metz, ne vous mettez pas à manger tous les jours de la cuisine marseillaise, et réciproquement. Vous ne vous en trouveriez pas bien. Le meilleur apéritif est un verre de vin blanc sec ou un verre d'eau, un quart d'heure avant le repas. Cela lave l'estomac et le prépare à recevoir de bonnes choses. Alors voilà, ces conseils nutritionnels de 1950, qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui, Daniel Thomé, de ces conseils ? J'ai rien entendu de complètement aberrant, en fait. C'est des conseils de bon sens, comme on dit. Le fait qu'on consomme mieux les aliments quand on est déstressé, de bonne humeur, relaxé, c'est une vérité, hein. On sait très bien maintenant que les hormones du stress modifient la réponse insulinique, etc. et augmentent des facteurs de risque. Donc, oui, c'est pas aberrant. Hein. C'est pas aberrant. Même le petit verre de vin à l'apéritif. Ah, alors le petit verre de vin, là, c'est dans la culture française, quoi. Bon, après, on dit toujours, faut éviter des surconsommations de vin. Bon, après, le vin n'est pas interdit. Un verre de vin n'est pas quand même quelque chose qui va amener directement à la mort, quoi. Bien sûr, faut bien recommander de consommer de façon très modérée les boissons alcoolisées, quoi. Mélanie Deschazeaux, votre regard ou votre écoute plutôt sur ces conseils nutritionnels de 1950. Mais du coup, moi, comme le professeur Thomé, je suis plutôt, enfin, globalement dans l'ensemble, effectivement, ce sont des conseils de bon sens, manger de manière variée, avec des quantités modérées, de saison, adapter sa consommation à ce qui est disponible dans sa région géographique de préférence. C'est-à-dire ne pas manger à Metz ce qu'on consommerait à Marseille. C'est ce que dit le docteur. Au niveau de la France, on peut dire qu'on pourrait consommer à Metz ce qu'on consomme à Marseille, mais c'est éviter de consommer en France ce qu'on consomme en Amérique du Sud, par exemple. Avec toutes les problématiques climatiques qu'il y a avec. Pour ce qui est de l'alcool, effectivement, c'est une question un peu plus compliquée. Là, actuellement, ce qui est recommandé, c'est de pas consommer plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Ouais. On reviendra sur la question du vin rouge parce qu'il y a eu ce French Paradox qui a été quelque chose d'important et qui a été contredit. On y reviendra dans un instant. Que faut-il penser? Je citais au début de cette émission cette étude. Alors, elle a été très contestée. Hein, cette étude qui contredit finalement ce que l'on sait ou ce que l'on pensait de la consommation de viande rouge et de viande transformée, à savoir que cette consommation, si elle est excessive, augmente les chances de développer un certain nombre de pathologies. Là, voilà, on trouve dans cette publication une étude qui nous dit finalement non, vous pouvez continuer à manger de la viande rouge, ça ne change strictement rien, on n'a pas de preuves suffisantes, on n'a pas de niveau de preuves suffisantes pour pouvoir lier la consommation de viande rouge à ces pathologies comme les cancers ou la maladie cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Daniel Thomé ? Elle ne la contredit pas. Elle l'interprète différemment, ce qui est différent parce que dans les recherches d'une façon générale sur le domaine de santé, dans les recherches et leur traduction, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation, qui est la partie purement scientifique. C'est-à-dire, on fait des études, on obtient des données, on obtient des corrélations. Ça, c'est le travail des scientifiques que personnellement, je fais depuis une quarantaine d'années. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la gestion. C'est-à-dire la façon dont on va interpréter en termes de santé publique ces résultats. Donc c'est là où la différence est, c'est-à-dire il y a des études qui sont à mon avis quand même assez robustes, même si le risque est pas énorme, qui montrent que significativement il y a des données qui montrent une relation significative entre la consommation de certains aliments, dont la viande rouge, dont les viandes transformées, et l'incidence de cancer. Plus 23%. Voilà. Et puis ensuite il y a la façon dont on va dire en politique de santé, évaluer et gérer ces données et de dire est-ce qu'on conclut qu'il faut recommander ou non de consommer de la viande. Donc il y a une interprétation qui est de dire oui, le risque est avéré, plus évidemment en principe de précaution, il faut mieux prendre la précaution maximum. Et il y a ces données, alors qu'on peut discuter, etc., qui disent il y a quand même un effet significatif, mais en termes de santé publique, il n'est pas majeur, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. C'est ça la différence. Risque potentiel faible, preuve incertaine, et l'impact sur la mortalité est trop faible pour justifier de moins consommer de viande, et surtout que les études sur le sujet sont de mauvaise qualité. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Ce que je veux dire, c'est que ça envoie tout de même un message assez contradictoire. C'est tout le problème, en fait. C'est le message qui est envoyé, qui est contradictoire, parce que, comme l'a rappelé le professeur Thomé, les résultats dans les articles, derrière le résumé, derrière les annonces qui ont pu être faites, sont similaires à tout ce qui a été connu jusqu'à présent. Donc, il n'y a rien eu de nouveau. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes corrélations. Exactement. Dans les résultats scientifiques, il n'y a aucune différence par rapport à tout ce qui était connu. Maintenant, ce qu'il y a, c'est l'interprétation. Et donc, les auteurs de cette étude ont jugé que les études desquelles étaient tirés les résultats n'étaient pas d'assez bonne qualité pour justifier une quelconque mesure de diminution de consommation de viande. J'aimerais rajouter que la notion de diminuer la consommation, pas besoin de diminuer, encore faut-il savoir de où on part. C'est-à-dire qu'actuellement, les recommandations sur la viande rouge, c'est 500 grammes de viande rouge par semaine à ne pas dépasser. Ce qui correspond quand même à 3 ou 4 fois par semaine de viande rouge. Donc, c'est pas ne pas consommer, c'est voilà. Et pour la charcuterie, c'est 150 grammes par semaine. Donc si les personnes sont en dessous de ces niveaux, non, elles n'ont pas besoin de changer leur consommation. Et on précise bien que ces recommandations se font sur des bases d'associations aux pathologies et sans aucune considération environnementale ou écologique, c'est complètement autre chose. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons tout au long de cette heure des sciences nutritionnelles en compagnie de Mélanie Deschazeaux et de Daniel Thomé. Alors, peut-être qu'on va revenir à la source de votre travail à l'un et à l'autre. Comment est-ce que ça marche, la recherche en nutrition? Comment est-ce qu'on peut estimer les liens qu'il peut y avoir entre la consommation d'un produit et l'éventuel développement de certaines pathologies, Daniel Thomé? La recherche en nutrition, elle n'est pas différente, on va dire, de toutes les recherches dans le domaine de la biologie expérimentale et de la santé et de la médecine, je dirais. C'est-à-dire qu'on a un continuum avec des recherches, on va dire, très fondamentales de type mécanistique, dont la principale caractéristique, évidemment, c'est d'essayer de simplifier les processus pour étudier de façon la plus précise des mécanismes. Par exemple, on va travailler sur des modèles cellulaires ou sur des modèles animaux très contrôlés. Et à ce moment-là, l'objectif, en fait, c'est pas de montrer l'importance relative dans tout un environnement complexe d'un processus, c'est de regarder que ce processus existe et comment il marche. Mais souvent, donc, toutes ces données qu'on va dire de biologie expérimentale fondamentale sont des données qui n'anticipent pas obligatoirement l'importance relative de ce phénomène. C'est-à-dire, on veut regarder comment marche l'insuline, par exemple, sur un tissu. On va isoler le tissu ou les récepteurs et on va regarder quelles sont toutes les cascades moléculaires qui interviennent derrière. Mais quelquefois, c'est un phénomène énorme. Bon, je prends l'insuline. On sait très bien que en amont de ce qui a été fait avant qu'on le sache, maintenant on sait que l'insuline, c'est énorme. Et puis dans d'autres cas, ça va être un phénomène complètement marginal qu'on n'a pas anticipé. Comme par exemple ? Comme par exemple, certaines hormones ou certains médiateurs du système nerveux ou certains médiateurs du système immunitaire. On a un peu, vous voyez, par exemple, on va avoir des données chez des sujets ou alors ça s'appelle des cytokines, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. On les mesure dans le sang, elles montent, elles descendent. Et très souvent, so what, comme on dit, quoi. C'est-à-dire qu'on est content, nous, en tant que scientifiques, parce qu'on a vu des éléments qui bougeaient en réponse à une sollicitation. Mais ça arrive très souvent qu'on a du mal à l'interpréter. Peut-être que ce phénomène, il n'est pas du tout majeur dans la physiologie générale, quoi. Hein, c'est un peu ça la différence. Et puis simplement pour finir, ensuite, on va passer à des études chez l'homme qu'on appelle interventionnelles, où là, on a un groupe contrôle, on a un groupe sur lequel on fait quelque chose. Donc là, on peut très bien différencier en disant, quand il n'y a pas le phénomène, quand il n'y a pas le médicament, quand il n'y a pas eu l'aliment qu'on a donné, il se passe rien. Et puis, quand on le donne, il se passe telle et telle chose. Et là, c'est relativement démonstratif en termes de causalité. On peut le discuter, mais... On va en discuter. Voilà. Et puis, la dernière chose, évidemment, on passe dans la vraie vie, c'est ce qu'on appelle les études observationnelles, et on sait très bien, ce qu'on dit, c'est que la relation de causalité, elle est très dure. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on appelle des cohortes, par exemple, et puis on regarde tout ce qui se passe. Et puis, on fait des relations entre des phénomènes qui sont arrivés. Mais évidemment, la vraie vie, il y a tellement de choses qui se passent, c'est que là, on a besoin d'outils mathématiques, statistiques excessivement puissants, et qui, la plupart du temps, ne permettent pas quand même de complètement aboutir à une certitude. Il y a un niveau de certitude qui peut être plus ou moins fort, mais qui n'est jamais à 100%. On arrive à des tendances, on va dire. Oui, on peut arriver à des choses qui sont quand même très démonstratives, mais c'est ce qu'on disait sur la viande, évidemment. On peut il va toujours y avoir d'autres gens qui vont interpréter différemment. Et sur la viande, par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on y reviendra aussi, parce que ce n'est pas la première fois. Il y a une étude du Monde et du New York Times qui a montré que les auteurs de cette étude sur la viande n'ont pas déclaré des liens d'intérêt avec l'agroalimentaire. Et ça, c'est un autre problème qu'on évoquera tout à l'heure en deuxième partie. Un autre problème. Mélanie Deschazeaux, peut-être un mot justement sur cette méthodologie. Alors, sur les modèles animaux, on comprend, ou en laboratoire, on comprend bien, ou en tout cas comment ça se passe, on l'imagine, vous pouvez peut-être nous en dire un mot, mais c'est le passage à l'échelle humaine, évidemment, qui nous intéresse ici, et cette multifactorialité que vient d'expliquer Daniel Thomé. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette méthodologie générale de travail ? Oui, donc du coup, comme on en parlait, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie, donc soit d'intervention, soit d'observation. Donc en intervention, comme le disait le professeur Thomé, on va faire une intervention. Donc on va avoir un groupe sur lequel on agit et un groupe témoin, contrôle, auquel on ne fait rien. On va pouvoir émettre des conclusions à partir de cette intervention. Ce qui est beaucoup utilisé en nutrition, ça va être les études d'observation. Donc cette fois-ci, on observe effectivement dans la vraie vie ce qui se passe. Et concrètement, en fait, ces études sont menées sur... Donc il y a deux types d'études. Il y a des études qu'on appelle cas témoins. Donc dans ces cas-là, on cherche à étudier une maladie en particulier. Et on va notamment, par exemple, dans des hôpitaux, on recrute un certain nombre de personnes qui sont atteintes, par exemple, d'un cancer du foie. On va recruter ces personnes et ensuite, on va chercher à recruter des témoins qui n'ont pas de cancer du foie, qui sont comparables à la population des cas. Et ensuite, on va leur poser des questions sur leur mode de vie, etc. Et on va essayer de voir s'il y a des différences entre les cas et les témoins pour un certain nombre de paramètres. Donc ça, ce sont les études cas témoins. Ensuite, on a ce qu'on appelle les études de cohorte, qui sont du coup un peu plus donc les études, il y a un peu moins de risque de biais avec des études de cohorte qu'avec des études cas témoins. Donc le niveau de confiance qu'on peut avoir dans les résultats va être un peu plus fort. Donc les études de cohorte, cette fois-ci, on va recruter un très grand nombre de participants, le plus grand nombre possible. Dizaines de milliers, souvent. C'est enfin. Ça. Puisque du coup, ça va nous permettre d'avoir une grande variété de comportements, d'expositions. Et ensuite, ça va nous permettre d'observer le développement de différentes pathologies au cours d'un suivi long. Donc la plupart du temps, ça inclut des dizaines, des centaines de milliers. Par exemple, nous, l'étude de Nutrinet Santé, on inclut à l'heure actuelle plus de 160 000 personnes qu'on suit déjà depuis 10 ans. Et qu'on continue à suivre. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir les suivre suffisamment longtemps pour avoir des conclusions. Et donc, on regarde ce que les personnes... remplissent des questionnaires, notamment, à l'inclusion. Et ensuite, au cours du suivi pour l'étude Nutrinet Santé, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça nous donne des informations qu'on va pouvoir mettre ensuite en relation avec le fait qu'ils aient développé ou non une maladie qui nous intéresse au cours du suivi. Et on va aller, dans le cadre du reportage du jour, justement, voir comment se passe et comment se passe ce type de suivi, c'est assez passionnant. On peut revenir rapidement sur ces différents types d'études, interventionnistes, cas témoins ou cohortes, pour essayer d'en comprendre en fait quelles sont les limites épistémologiques, notamment pour les cas d'études interventionnistes, on voit bien que très vite il y a une frontière qui est qu'on ne peut pas volontairement exposer des gens à un risque de développer une pathologie, c'est-à-dire, pour résumer, on va vous dire, on va vous gaver de viande pendant 6 mois ou pendant 10 ans, et ensuite on va voir si vous développez plus facilement des cancers. Donc là, il y a tout de même une limite épistémologique très rapide, Daniel Thomé. Oui, tout à fait. C'est un peu le cas général, des recherches de risque dans le domaine de l'alimentation. Et l'exemple extrême, c'est les travaux de recherche en toxicologie. En toxicologie, en gros, on ne travaille que sur des modèles animaux, parce que bien entendu, on ne va pas exposer des humains à des toxiques pour voir combien meurent et combien restent vivants, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est une difficulté très importante qu'on peut pas... Quand on s'intéresse à la nutrition, à du besoin nutritionnel, là oui, on fait des études d'intervention, c'est-à-dire... C'est-à-dire, par exemple... Si par exemple on veut connaître quels sont les besoins en protéines de l'espèce humaine, on prend des sujets humains et puis on leur donne des quantités croissantes de protéines dans leur alimentation pendant des périodes qui peuvent aller de quelques jours à quelques semaines. Et puis on a des marqueurs biologiques qu'on va mesurer et on regarde à quel moment ces marqueurs se normalisent. Parce que là, on n'a pas affaire à un composé qui est toxique. Alors, il y a un risque de carence, mais on ne va pas les carencer de façon monumentale, ou en tout cas, on ne va pas les carencer pendant des longues périodes, quoi. Alors que sinon, les études cas témoins dont on parlait tout à l'heure, elles ont un gros défaut, évidemment, c'est qu'on sélectionne au départ une population qui est la population malade, donc on peut toujours faire l'hypothèse que ces gens ont été particulièrement exposés à certains facteurs de risque qui ne vaut pas pour la population générale. C'est un peu le... Bon, après... Les études, c'est vrai que les meilleures études, je suis d'accord, sont les études de cohorte, parce que là, on n'anticipe pas ce qui va se passer. On prend une population à T0, tout le monde, on va dire presque dans le principe, tout le monde est en bonne santé, tout le monde a son comportement, on peut faire des typologies de comportement, et puis on regarde ce qui se passe. Et puis ensuite, on met en relation ce qu'on a observé durant, mais alors là, quelquefois... 20, 30, 40 ans. Voilà, voilà. Faut suivre pendant... Ouais, bien sûr, puisque évidemment, on parle de pathologies qui sont des pathologies qui se développent très lentement. Quand on parle notamment des cancers ou des maladies cardiovasculaires, ce sont des cohortes qui doivent durer au moins sur quoi? 20, 30, 40 ans, Mélanie Chazan? C'est vrai que ce sont des pathologies qui vont se développer sur le temps long, donc ça nécessite des suivis d'au moins 5, à partir de 5 ans en général, on commence à avoir suffisamment de cas. C'est un peu difficile de parler comme ça, mais c'est un peu la réalité. Au bout de 5 ans, on va dire qu'on peut commencer à voir apparaître des comportements, mais après on veut suffisamment de recul entre ce qu'on a évalué à l'inclusion et le développement des pathologies. Pour être sûr que finalement il n'y ait pas des choses ce qu'on appelle le biais de causalité inverse, c'est-à-dire que finalement les personnes qui vont développer un cancer l'ont déjà en quelque sorte au moment où elles sont incluses, mais elles ne savent pas encore et vont peut-être modifier certains comportements en réponse à peut-être des pré-symptômes ou ce genre de choses, et qui vont du coup induire un changement de comportement. Pareil pour, par exemple, des personnes qui vont développer des maladies cardiovasculaires. Si elles sont déjà en situation d'obésité, peut-être qu'on leur a déjà prescrit un régime. Donc ces personnes à l'inclusion vont peut-être avoir un comportement alimentaire qui ne reflète pas vraiment les facteurs de risque qui vont être impliqués dans ces maladies. Il y a un célèbre chercheur américain qui s'appelle John Ioannidis, qu'on connaît parce que c'est lui qui a lancé un peu ce qu'on a appelé généralement la crise de la reproductibilité, dont on a beaucoup parlé à ce micro, notamment dans les sciences cognitives, mais pas uniquement, et qui avait écrit un livre intéressant en parlant justement du risque ou de faiblesse statistique, c'est-à-dire de dire, son bouquin s'appelait « Is everything we eat associated with cancer ?» Est-ce que tout ce qu'on mange est associé avec un cancer ? Et il avait pris un certain nombre d'études nutritionnelles en disant finalement, tout est facteur de risque à plus ou moins grande échelle, ou tout est facteur de diminution de risque, mais en fait, il y a finalement une sorte d'approche statistique qui est biaisée par cette volonté à tout prix d'associer un type de comportement alimentaire avec un risque. Qu'est-ce qu'il faut en penser, ça, Mélanie Deschazeaux ? Alors, c'est vrai que du coup, ce chercheur est très connu pour faire la critique des études en épidémiologie nutritionnelle. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est pas parce qu'on va trouver dans une étude une association, peu importe le sens, qu'on va tout de suite émettre des recommandations à ce sujet et qu'on va conclure que tel facteur, tel aliment est responsable d'une maladie. C'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, ce qui se passe, c'est que effectivement, dans certaines populations, on peut observer des associations qu'on va rechercher parce que normalement, toute étude doit être faite sur la base d'hypothèses. C'est-à-dire qu'on ne va pas étudier une association si on n'a pas des hypothèses sur le fait que tel aliment ou tel nutriment a un impact sur la maladie qu'on étudie. Donc tout d'abord, on doit avoir des hypothèses. Ensuite, on étudie l'association et on obtient un résultat. Ce résultat, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Tout dépend de la qualité de l'étude. Donc là, il faut regarder la qualité de l'étude, la qualité des méthodes qui ont été employées, est-ce que tous les biais ont été pris en compte, corrigés, etc. Ensuite, une fois qu'on a ce résultat, ça ne suffit pas à conclure quoi que ce soit concernant cette relation. En épidémiologie, une étude, peu importe la qualité, peu importe le type d'étude, ne suffit jamais à conclure à une relation. Il faut une reproductibilité des résultats avant de pouvoir atteindre une conclusion. Et donc finalement, oui, peut-être que dans le livre qu'il a écrit, il a trouvé des études variées qui concernent un certain nombre de facteurs et le risque de cancer. En revanche, l'ensemble de ces facteurs ne fait pas l'objet de recommandations. C'est-à-dire qu'on n'a pas jugé que tous ces facteurs étaient suffisamment associés de manière sérieuse à la pathologie pour conclure. Pour comprendre exactement comment se passent justement ces enquêtes épidémiologiques, bonjour Céline Lezenne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à l'hôpital Gustave Roussy à Villejuif, bien pour comprendre précisément comment se déroulent ces études dont nous parlons, qui cherchent à établir des liens entre nutrition et certaines pathologies. Oui, pour ça je suis allée voir Marie-Christine Boutron-Ruot, qui est directrice de recherche INSERM et qui encadre une étude nommée E3N. Cette étude est menée auprès de 100 000 femmes depuis presque 30 ans. ans. La cohorte est ciblée puisqu'elle concerne des femmes du milieu de l'éducation nationale, de leurs conjoints et de leurs enfants. En pratique, il s'agit d'un examen observationnel. Les données sont puisées sur la base de longs questionnaires que les personnes remplissent rigoureusement au fil des années, de manière honnête sur leur consommation. L'exploitation de ces données déclarées permet ensuite, via des analyses statistiques, de trouver des liens entre certains aliments et certains cancers, la difficulté étant de ne pas confondre corrélation et causalité. La question importante, c'est de savoir s'il y a un lien entre ce que les gens consomment sur le plan alimentaire et le risque de pathologie, notamment le cancer, donc qui est vraiment le premier focus d'intérêt de l'équipe. Notamment cette grosse cohorte qui s'appelle la cohorte E3N, qui est une cohorte de 100 000 femmes que nous avons recrutée en 1990 et que nous suivons depuis tous les 2-3 ans par des questionnaires, où nous avons dans un premier temps recruté les conjoints de ces femmes, que nous sommes en train de recruter leurs enfants et que nous recruterons ensuite dans un an leurs petits-enfants. Qu'est-ce que vous étudiez particulièrement sur leur consommation alimentaire ? Non seulement on s'intéresse globalement à la consommation moyenne dans l'année, comme font les questionnaires qui sont habituellement les questionnaires américains, les questionnaires de fréquence, dits de fréquence alimentaire, mais nous c'est plutôt un questionnaire d'histoire alimentaire avec deux parties. Une partie donc de taille et de portion moyenne, et puis une partie plus détaillée qui détaille par exemple les fruits préférés, les légumes préférés, etc. Alors là, il s'agit du questionnaire alimentaire que nous avons adressé aux femmes. Là, je vous en ai envoyé en 2005. Donc vous voyez, il y a une première partie qui est par repas. Donc on commence par au réveil le petit déjeuner. On demande par exemple du jus de fruits combien de fois par mois ou combien de fois par semaine. Ensuite, on a la même chose pour la collation de la matinée. Et ce qu'on essaye, c'est évidemment de mettre des choses qui sont habituellement consommées, hein, au petit déjeuner par exemple, mais de façon large aussi, ils peuvent inscrire des œufs, de la charcuterie, s'ils ont plutôt un petit déjeuner à l'anglaise. Et puis, ils ont toujours la possibilité de rajouter ce qu'ils mangent en plus, ce qui leur est propre. Combien de pages fait ce questionnaire et qui procède au recueillement des données ? Alors, ce questionnaire est très long, il fait une trentaine de pages. Et à quelle fréquence on le remplit ? Alors, ce questionnaire détaillé, elles l'ont rempli deux fois au cours du suivi. C'est vrai que les choses sont plus évolutives actuellement, donc c'est la raison pour laquelle pour les enfants et les petits-enfants de notre cohorte E4N, qui vont être donc la génération suivante, nous avons choisi de faire des questionnaires qui seront sur Internet, qui sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus fréquents, et qui nous permettra d'avoir une autre vision évolutif pour des générations qui sont effectivement des générations où l'alimentation est beaucoup moins stable. Comment se fait le recueil et l'analyse des données ? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait manuellement ou bien par assistance intelligence artificielle peut-être ? Donc les questionnaires sont faits pour pouvoir être automatiquement scannés. C'est ensuite du coup rentré dans un énorme fichier qui va être corrigé par des vérifications de cohérence de façon à ce que, par exemple, on puisse pas avoir des données aberrantes. Donc on a une grande salle avec de nombreux techniciens qui vont faire ce qu'on appelle des visualisations. Des courbes, des graphes. Voilà. Et puis ensuite, toutes ces données vont être mises à la disposition des chercheurs qui eux-mêmes déjà vont refaire leurs propres analyses de cohérence, qui quelquefois vont revenir vers les data managers en disant non, ça ne me convient pas, ça c'est aberrant, voilà, avec leurs connaissances et leurs compétences, de façon à ce que, encore une fois, on ait une base de données la plus correcte possible, la plus précise possible. Après toutes ces décennies d'analyse sur cette cohorte 3Z, qu'est-ce que vous avez pu remarquer ? Est-ce que vous avez pu identifier des liens directs ou indirects entre un certain type de consommation et l'apparition de pathologies ? Alors, on trouve des choses très empreintes de bon sens. On constate que des sujets qui ont une consommation alimentaire dite plutôt méditerranéenne prudente, c'est-à-dire qui est essentiellement basée sur une grande variété de fruits et de légumes et une consommation modérée d'aliments industriels, d'aliments tout près. Transformés, mais aussi des quantités raisonnables de viande. Viande rouge. Et de charcuterie. Donc l'objectif est vraiment d'essayer de comprendre comment tel ou tel comportement va entraîner un surrisque de maladie. Là, dans l'objectif aussi de pouvoir compenser. C'est par exemple les travaux qu'on a faits sur le fer héminique et le risque de tumeur colorectale, en particulier d'adénome, qui sont l'étape qui précède le cancer colorectal. Le fer héminique, c'est le fer qu'on retrouve dans les tissus, dans le sang et dans les tissus musculaires de viande rouge. C'est ça. C'est un fer ferrique, un fer Fe3+, qui est extrêmement oxydant. Et il a été montré depuis longtemps que ce fer entraînait au niveau de l'intestin ce qu'on appelle la réaction de Fenton, qui est une réaction d'oxydation, qui va entraîner la formation de radicaux libres, une agression donc de la muqueuse, qui va faciliter l'induction du cancer. Voilà ce reportage du jour sur cette cohorte E3N, cette étude de 3N, peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Mélanie Chazot. Oui, donc c'est une étude qui est très, très connue dans le domaine de l'épidémiologie, qui a contribué à de nombreuses recherches, notamment sur la santé des femmes, puisque c'est une cohorte qui porte uniquement sur les femmes. Et on voit bien dans ce qui est décrit par le docteur Boutron-Ruault, toutes les difficultés associées à la collecte de ces données, la quantité de données que ça représente, la quantité de travail pour s'assurer que la qualité des données est suffisante. Et également aussi ce que représente la participation à ce type de cohorte avec les questionnaires plus ou moins longs et finalement la fidélité des participants toutes ces années. Daniel Thomé, votre réaction ? Oui, bah c'est ça fait partie des quelques cohortes d'épidémiologie nutritionnelle qui ont été très précurseurs, hein, parce que c'est une cohorte qui a été démarrée... Avec l'équipe, il y avait Françoise Clavel à l'époque, justement, il y a les autres qui ont pris le relais maintenant. Ils ont beaucoup innové, justement, dans la collecte des données de consommation, qui est toujours un des gros problèmes qu'on a. C'est mesurer l'aspect déclaratif. Ouais, voilà. Mesurer les consommations alimentaires, c'est très compliqué. Parce que, c'est souvent du déclaratif, et on sait très bien que l'alimentation est quelque chose de tellement lié à l'affectivité que le retour conscient déclaratif, faut vraiment s'en méfier. C'est-à-dire que les gens minimisent, les gens se trompent involontairement. Ils minimisent ou ils grossissent, mais de toute façon, ils déforment, quoi. Je veux dire, le cerveau, quand on est dans un domaine affectif, on déforme dès qu'on a du déclaratif qui rapporte. Et puis, c'est pas uniquement la seule difficulté, c'est qu'une fois qu'on sait ce qu'ont consommé les gens, il faut le transformer en composition d'éléments de base, de nutriments, de risques, de composés toxiques, etc. Il faut des bases de données de composition des aliments. Et déjà, c'est très compliqué à établir. Et deuxièmement, il y a une variabilité très importante de la composition des aliments. Je dis n'importe quoi, de la viande ou une carotte ou n'importe quoi. Mais entre une variété et une autre, vous allez avoir des différences qui peuvent être importantes, hein, dans les sources alimentaires. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur l'établissement des collectes de données et sur le fait d'avoir des bases de données de composition alimentaire qui soient le plus fiables possible, quoi. C'est ça qui a été, à mon avis, très précurseur, en plus des outils épidémiologiques, mais là, qui sont les mêmes que les outils épidémiologiques dans les autres domaines de la santé, quoi. Mélanie Deschazeaux, comment est-ce qu'on pallie ces biais que vient d'évoquer Daniel Thomé, c'est-à-dire ces biais déclaratifs, ces biais de composition alimentaire? Si je vous dis par exemple que ce midi, j'ai mangé des spaghettis bolognaises, quel type de spaghettis, quel ingrédient? Enfin, jusqu'où va la précision et comment on pallie justement à cette espèce de flou qui peut entourer cet aspect déclaratif? Alors, dans les études de cohorte, il y a différents types de questionnaires alimentaires qu'on peut utiliser. Il y a, comme le disait le docteur Boutron-Ruault dans le report, les questionnaires de fréquence ou d'histoire alimentaire dans lequel on va demander aux personnes de déclarer combien de fois par semaine, par mois, les personnes ont consommé de tel ou tel type d'aliments. Ce type de questionnaire est plutôt performant pour avoir une idée de ce qu'on appelle l'alimentation usuelle. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, dans nos recherches. Donc l'alimentation usuelle, c'est globalement ce qui représente l'alimentation d'une personne, enfin ses habitudes alimentaires. En revanche, ce type de questionnaire peut être un peu limité pour vraiment faire le détail des différents types d'aliments, puisque pour des questions de temps et de poids pour les participants, ces questionnaires ne peuvent pas contenir un nombre infini d'aliments. Un autre type d'étude qui du coup pallie un peu à ça, c'est ce qu'on appelle les enregistrements ou les rappels de 24 heures. Dans ce cas, en fait, les personnes déclarent ce qu'elles ont mangé, les aliments qu'elles ont mangés au cours d'une période de 24 heures. Et ensuite, ces enregistrements vont être répétés plusieurs fois. Donc par exemple, nous, dans l'étude Nutrinet, on va faire 3 enregistrements de 24 heures répétés sur 2 semaines. Et en moyennant les consommations sur ces 3 jours, donc 2 jours de semaine, 1 jour de week-end, on va avoir une estimation d'une consommation habituelle. Ensuite, ces questionnaires vont être répétés plusieurs fois, donc 2 fois dans l'année et tous les ans, ce qui nous permet d'avoir, en moyennant les consommations sur un an et demi, plusieurs consommations. Banana, Hannah. Try the salami, Tommy. Give it to gravy, Davy. Everybody eats when they come to my house. Try a tomato, please, too. Here's cacciatore, Dory. Taste the bologna, Tony. Everybody eats when they come to my house. I fix your favorite dishes. Hoping this good food fills ya. Work my hands to the bone in the kitchen alone. You better eat if it kills ya. Pass me a pancake mandrake. Having a derby irby. Look in the fendel mendel. Everybody eats when they come to my house. Tout le monde mange quand on vient à la maison. C'est Cap Calloway qui chante sur France Culture à 16h40, puisque nous parlons de sciences nutritionnelles tout au long de cette heure avec Mélanie Deschazeaux et Daniel Thomé. Mais tout de suite, eh bien, comme souvent à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Bernard Sroure, qui est tout récent docteur à l'INSERM, Université Paris 13, en post-doc au Centre allemand de recherche sur le cancer. Bernard, vous travaillez sur la transformation des aliments et risques de pathologies chroniques dans la cohorte Nutrinet Santé. Bonjour, bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Alors, moi, je vais vous parler de mathématiques de recherche, donc la thèse que j'avais effectuée, qui a porté sur la consommation des aliments transformés ou ultra transformés et le risque de maladies chroniques. Donc, comme vous venez de dire dans l'émission, l'alimentation est un facteur qui est modifiable, qui peut être utile pour la prévention des maladies chroniques, donc sur lequel on va pouvoir greffer ou baser des stratégies de prévention. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur les liens qui existent entre la nutrition et la santé? Ça va être tout simplement les recommandations nutritionnelles qui existent dans la plupart des pays. En France, par exemple, la recommandation nutritionnelle de Santé publique France vont être principalement de limiter les produits riches en sel, en sucre et en acides gras saturés, limiter la viande rouge, les boissons sucrées et l'alcool, par exemple, augmenter la consommation de fruits, de légumes et son niveau d'activité physique et aller vers une consommation suffisante de produits laitiers et de poissons. Donc, toutes ces recommandations sont basées sur un niveau de preuve scientifique suffisant, donc qui est lié à l'accumulation consistante d'études scientifiques, que ce soit des études prospectives, des études cas témoins ou même des essais cliniques avec des poids de preuves différents en fonction du type d'étude. Mais ce qu'on peut voir dans ces recommandations nutritionnelles, c'est qu'elles sont basées en particulier sur des nutriments et sur des groupes d'aliments. Or, ce qu'on sait, c'est que l'alimentation qu'on consomme, on ne consomme pas juste des nutriments, pas juste du sodium ou du sucre. On consomme également par notre alimentation d'autres composés qui ne sont pas pour autant des nutriments, comme des additifs alimentaires ou même des contaminants qui peuvent provenir soit du mode de production agricole, soit même de la production, de la transformation industrielle, artisanale ou la transformation domicile. Or, il n'y a pas assez de niveaux de preuve par absence d'études scientifiques sur ces composés, sur ces additifs ou sur ces contaminants. Donc, on ne peut pas émettre des recommandations à l'heure actuelle sur ces composés. De notre côté, on sait que les aliments ultra transformés ou ce qu'on appelle fortement transformés deviennent commencent à devenir de plus en plus fréquents dans nos supermarchés. Ces aliments sont caractérisés en moyenne avec une, par une moins bonne qualité nutritionnelle. Ils vont être plus riches en sel, en sucre et moins pauvres et moins riches en vitamines. Et certains d'entre eux sont caractérisés par la présence d'additifs alimentaires, par exemple. L'un des moyens pour les reconnaître, ça va être la classification NOVA. Donc, c'est la classification que nous avons utilisée. Et le groupe qui nous intéresse, c'est le groupe des aliments ultra transformés. Là, ça va être un ensemble de produits qui sont des formulations de substances qui ont issu des aliments et pas forcément des aliments entiers. Donc, on va avoir des huiles hydrogénées, des amidons modifiés, des protéines hydrolysées, du sirop de maïs, par exemple. En plus, on va avoir des composés qu'on appelle des additifs alimentaires cosmétiques. Donc là, ça va être des substances chimiques ou biologiques qui vont pour objectif de donner à l'aliment fini sa texture voulue, son goût voulu, comme des exhausteurs de goût, des émulsifiants, des édulcorants, des colorants. Donc, l'objectif de nos travaux, c'était donc de savoir s'il y avait un lien entre ces aliments transformés ou ultra transformés et les maladies chroniques. On a donc travaillé sur un grand échantillon de la cohorte NutriNet Santé avec plus de 100 000 participants. Les participants, donc, comme venait de dire le docteur Deschazeaux, remplissaient leur consommation alimentaire à l'aide d'enregistrements répétés. Et après, on les suivait dans les temps pour surveiller la survenue de maladies chroniques. Donc, on a calculé chez ces participants la proportion d'aliments ultra transformés dans leur régime et grâce à des modèles statistiques appropriés qui prennent en plus compte des facteurs de confusion comme des facteurs de mode de vie, la sédentarité, l'activité physique, le tabagisme ou la consommation d'alcool et surtout la qualité globale du régime alimentaire. On a observé qu'une augmentation de consommation d'aliments ultra transformés dans le régime était associée à une augmentation des risques de cancer, en particulier le cancer du sein, de maladies cardiovasculaires, maladies coronariennes, de diabète de type 2, de mortalité, de dépression, de surpoids, d'obésité et même une variation plus importante de poids. Alors ces modèles étaient restés robustes après prise en compte de plusieurs biais liés au design de l'épidémiologie nutritionnelle, mais aussi nous avons observé que la qualité nutritionnelle de ces produits n'était pas le seul facteur qui expliquerait ces associations. Alors quelles sont les autres hypothèses qui pourraient expliquer ces associations-là? On peut émettre par exemple l'hypothèse des matériaux de contact, c'est des produits qui sont la plupart du temps stockés dans des emballages plastiques par exemple et il y a des composés dans ces emballages plastiques qui sont susceptibles de migrer vers la matrice alimentaire comme le bisphénol A par exemple qui a un rôle de perturbateur endocrinien. D'autres hypothèses peuvent être les additifs alimentaires, même si la plupart d'entre eux n'ont pas d'effet sur la santé. Quelques études récentes ont montré des résultats préoccupants dans des études animales en fonction pour les émulsifiants, surtout pour les émulsifiants et même le dioxyde de titane. Donc même si c'est des études observationnelles, on ne peut pas donc pour le moment établir un schéma un lien causal entre les aliments ultra transformés et la santé, mais ces études nous ont permis donc d'établir une classification exploratoire et des associations exploratoires. Maintenant, il faut aller plus loin pour comprendre quels mécanismes sont responsables de ces associations. Est-ce que c'est les additifs? Est-ce que c'est les matériaux de contact? Donc, il faut des projets de recherche multidisciplinaires avec des collègues toxicologues et des ingénieurs de procéder. Et maintenant, au nom du principe de précaution, dans les nouvelles recommandations nutritionnelles de Santé publique France, il est recommandé au nom de principes de précaution, de limiter sa consommation d'aliments ultra transformés et de privilégier ou d'augmenter sa consommation d'aliments bruts ou pas transformés. Très bien, merci beaucoup Bernard Sourd pour la présentation de vos travaux et félicitations pour votre thèse. Un mot de réaction Mélanie Deschazeaux, on voit, c'est intéressant ce lien qu'il peut y avoir avec les recommandations d'une part et puis avec finalement un niveau de preuve élevé mais qui ne permet pas non plus de remonter un lien de causalité direct vers ce qui est le responsable finalement de ce lien entre pathologie et nutrition. Oui, donc du coup, comme pour les aliments donc ultra transformés, on commence à avoir une accumulation d'études qui montrent que ils auraient un lien délétère avec la santé. Mais jusqu'à présent, en fait, on ne sait pas exactement dans ces aliments ce qui est responsable des effets qu'on observe. Donc le principe finalement, comme le disait Bernard, le principe de précaution veut que on se pose la question et qu'on dise aux gens peut-être de limiter cette consommation. Et maintenant, il faut faire plus d'études effectivement pour comprendre exactement ce qui se passe et quels sont les éléments responsables pour orienter au mieux ensuite les mesures de santé publique. C'est vrai que ces aliments transformés, ultra transformés, aujourd'hui, on a un niveau de preuve qui est très élevé, c'est-à-dire qu'on a vraiment confirmation, étude après étude, ça fait partie des niveaux de preuve très élevés. Et pourtant, alors je reviens rapidement, malgré le conflit d'intérêts, à cette étude sur la viande. On pensait que la viande, c'était aussi acquis, comme on a pu penser à un moment donné, Daniel Thomé, que la consommation de graisse ou trop de graisse était vraiment très nuisible à la santé. Aujourd'hui, on est revenu là-dessus, on incrimine plutôt le sucre. Quelle est finalement la pérennité de ce genre de niveau de preuve élevé sur ce type d'études ? Alors, sur les graisses, non. Je pense que la relation entre le niveau de consommation de graisses saturées et le risque cardiovasculaire, même d'ailleurs d'autres pathologies, mais notamment cardiovasculaire, est avérée et très significative, quoi. On sait très bien que quand on augmente d'un certain pourcentage le taux de graisse saturée, alors au-dessus de ce qu'on dit, hein, au-dessus de 10% de l'apport énergétique total, on dit pas qu'il faut pas consommer de graisse saturée. On dit qu'il faut pas en consommer plus que à peu près 10% de l'apport énergétique au sein des autres graisses. Donc c'est avéré. Alors après, il y a d'autres facteurs qui apparaissent, bon, comme le sucre, qui sur lequel des surconsommations de sucre, pareil, c'est avéré. On sait très bien que quand on donne des grosses quantités de sucre, on voit apparaître des désordres métaboliques, du diabète, etc. On a vu apparaître le problème du fructose. C'est un modèle des gens de biologie expérimentale qui est connu depuis très longtemps. Quand on veut faire des stéatoses hépatiques chez des rats, on sait depuis très longtemps, il faut donner, mais alors évidemment, des énormes quantités de fructose, mais c'est un modèle expérimental qui est pas récent, hein, je veux dire. Alors maintenant, on se pose la question, en effet, de l'utilisation du fructose, donc ça revient sur ce problème d'utilisation d'ingrédients dans l'alimentation. Le fructose a été pendant un moment augmenté dans l'alimentation pour des raisons, justement, parce que c'était les sirops de maïs, hein, qui est un ingrédient très disponible, pas très cher, qui en plus augmente la palatabilité de l'aliment. Et alors, donc, on s'est posé en effet la question jusqu'à quel niveau on peut consommer du fructose en gardant un facteur de risque limité, quoi. Un mot, alors très rapidement, et je m'excuse auprès de nos auditeurs, puisque vous le savez, le service public est un peu en crise, donc nous sommes contraints d'interrompre momentanément cette émission par une coupure publicitaire. Voilà le printemps, c'est l'époque des nettoyages. Nettoyez votre sang et votre tube digestif avec une tasse de thé des familles qui donne bon estomac, bon foie, bon intestin. Ah, qu'il est bon à boire tous les soirs ce mélange de 18 plantes aromatiques. 6 francs la boîte chez votre pharmacien. N'oubliez pas, thé des familles. Pas de santé, santé des familles. Alors voilà, ça prête à rire aujourd'hui cette promotion pour le thé des familles, mais en même temps, quelle contemporanéité par rapport au régime détox, par rapport à la publicité pour un certain nombre de produits qui nous purgeraient, etc. Là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un rôle des sciences nutritionnelles de rétablir la vérité sur les compléments alimentaires, par exemple, Mélanie Deschazeaux ? Alors déjà, pour commencer, tout le rôle de ces régimes détox, etc., ce qu'il faut mentionner, ce qui est important, c'est... on va dire, ce qui permet d'être en bonne santé, c'est de suivre les recommandations de santé publique, c'est-à-dire d'avoir un régime équilibré et varié, et pas de faire des évictions alimentaires ou d'être dans des régimes de type restrictif qui sont pas bons pour la santé sur le long terme. Mais on voit bien, par exemple, des sportifs de haut niveau qui disent, ben voilà, moi j'ai fait un régime sans glucose pendant 15 jours, c'était formidable et ça m'a permis non seulement, enfin, ce type de régime-là, ils fleurissent partout sur Internet, ils sont très suivis par des gens et comment convaincre les gens que finalement ces régimes restrictifs-là ont souvent plus d'inconvénients que d'avantages ? Alors le problème, c'est justement de dire j'ai fait un régime sans glucose pendant 2 semaines. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? C'est-à-dire que ce type de régime très restrictif ne sont pas tenables sur le long terme. Et donc forcément, à un moment donné, il va y avoir un retour soit à des habitudes alimentaires antérieures qui n'étaient pas favorables ou enfin, en tout cas, il n'y a pas de rééquilibrage alimentaire qui se produit, donc ça ne va pas être durable sur le long terme. Et certains régimes, en fait, ont même un effet pervers, puisque à force de faire des régimes sur des périodes courtes, ensuite de retomber dans une alimentation normale, mais déséquilibrée, et ensuite de refaire des régimes, on se rend compte qu'au bout d'un moment, les personnes ont plutôt tendance à augmenter de poids au fur et à mesure de cet effet, enfin un effet yo-yo bien connu. On vous a mis le lien. On avait consacré une émission entière à cette question des régimes. Un mot, Daniel Thomé, sur celle des compléments alimentaires. C'est vrai qu'on a été, enfin moi en l'occurrence, élevé en me disant la vitamine C, c'est bien, faut prendre la vitamine C tous les matins. On se rend compte aujourd'hui avec des dernières études que la vitamine C, ça sert quasiment à rien, sauf éventuellement quand on a un rhume, que ses apports de bêta-carotène, ça peut même être dangereux, non ? Qu'est-ce qu'il faut penser de ces compléments alimentaires ? Alors, oui, vous le rappelez, les compléments alimentaires, c'est pas récent, hein, c'est les, ce qu'on appelait les vitamines. Ou le téléfamille. Bon, alors après, il y a des situations où oui, des fortifications avec des vitamines sont nécessaires. Là, par exemple, on parle de la période d'après-guerre où il y avait quand même des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de nutrition. Aujourd'hui, avec un régime alimentaire standard, voilà. Correct ou pas correct, peu importe. Aujourd'hui, aujourd'hui ici en France, a priori, on est peu carencé. Voilà, la vitamine C, c'est un bon exemple. Actuellement, le besoin en vitamine C est couvert et il n'y a pas de carence en vitamine C dans la population. Après, il y a un certain nombre de choses, en effet, qui sont dites sur des vitamines, par exemple la vitamine C, qui sont pas avérées. Même les relations, par exemple, on a fait tout un travail bibliographique sur ce qui est dit sur la relation entre vitamine C et la grippe, qui est absolument pas avérée. Évidemment, quelqu'un qui est carencé en vitamine C, bah oui, il est fragilisé, et s'il y a des pathogènes qui se baladent, et ben il va être fragilisé et réagir moins bien et se défendre moins bien. Mais à partir du moment où son besoin est satisfait, ça sert à rien de lui en donner plus, quoi. Alors le bêta-carotène, c'est encore pire, hein, la vitamine A, parce que le problème de la vitamine A, non seulement, bon alors là on sait que c'est une vraie question parce que dans le monde, y compris dans certains pays développés, il y a des carences en vitamine A, hein, c'est une vitamine qui pose problème. Mais elle pose aussi un problème de surconsommation. Parce que la question de cette vitamine, c'est que le niveau toxique est très proche du niveau de besoin. Et que évidemment, alors si on fortifie trop, eh ben on arrive au niveau toxique. Ça a été le cas, par exemple, dans la population française, avec certains produits animaux, des foies de veau qui étaient très riches parce que la vitamine A s'accumule dans le foie et qui étaient très riches en vitamine A. Et il y a eu visiblement des surconsommations des enfants puisqu'on donne le foie aux enfants. Mmh. Et bon, donc faut faire très attention en manipulant les vitamines. Alors pour certaines, c'est pas très grave. La vitamine C était un bon exemple. On peut consommer des grosses quantités. On en élimine 99,99999% voilà. Au-dessus du besoin, qui est une centaine de milligrammes, on voit de façon exponentielle augmenter l'élimination dans l'urine. Donc bon, la physiologie est bien faite. Un mot pour conclure, Mélanie Deschazeaux, aujourd'hui. Alors on l'a dit, hein, ce qu'il faut les recommandations de l'ANSES. De Santé Publique France. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut-être aussi un mot sur les médias et sur ne pas s'emparer de n'importe quelle étude. Et on voit qu'effectivement, il y a quand même un appétit très fort des médias pour ces études de santé. On se jette dessus, ça fait la couverture des magazines. Et c'est là qu'on voit un peu tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un problème de communication? Est-ce qu'il faut faire un peu plus attention à ce qu'on lit dans la presse? Alors, du coup, pour ce qui est des médias... Ou ce qu'on entend à la radio, hein, oui, par ailleurs. Non, mais pour ce qui est des médias de manière générale, donc la nutrition, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde parce que c'est quelque chose de simple. D'émotionnel, On va dire qu'on pense simple, parce que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Dont tout le monde fait l'expérience. Tout le monde est capable de... tout le monde mange, donc tout le monde a quelque chose à dire sur la nutrition. Donc c'est quelque chose qui intéresse. Et le problème parfois dans les médias, c'est la manière dont vont être retranscrites les études. Comme je le disais tout à l'heure, une seule étude ne suffit pas à établir une relation de manière certaine. Donc le problème, c'est quand dans les médias, les études qui présentent une association venant d'une étude sur un facteur en particulier va être beaucoup trop, ne va pas être mise en regard du niveau de preuve auquel ce facteur est associé. Et donc c'est ça finalement qui laisse penser que c'est contradictoire, que les messages sont contradictoires, ce qui n'est pas le cas. Quand on regarde les recommandations et les niveaux de preuves, c'est pas contradictoire. Par contre, oui, des études entre elles peuvent être contradictoires pour tout un tas de raisons. Mais ce qu'il faut vraiment s'attacher, c'est ce qui est avec un niveau de preuve suffisant et aller plus loin que les titres accrocheurs, aller retourner si possible à l'étude originale le plus possible et bien regarder les limites qui ont été le plus souvent mentionnées par les auteurs eux-mêmes de l'étude. N'avalez pas tout ce qu'on vous donne à manger en termes de journalisme nutritionnel. Voilà, ce sera la conclusion du jour. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Daniel Thomé, merci Mélanie Deschazeaux d'être venue nous parler de ces sciences nutritionnelles. Merci, comme chaque jour, à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Alexandra Delbo, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lozen, Natacha Triou, à qui on souhaite un prompt rétablissement, Olivier Bétard à la réalisation et Morgane Danan à la technique. Demain, eh bien demain, ce sera un vendredi fiction et nous aurons la chance de recevoir l'une des figures majeures de la science-fiction française, auteur, éditeur, directeur de collection, Gilles Dumay, alias Thomas Day, sera notre invité pour une heure d'entretien demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.